In that last dialogue, you heard Hélène ask the bookseller if George could pay with a credit card. Il peut payer avec une carte de crédit? The word peut is part of a very useful verb which is placed before other verbs, either for asking permission to do something or for saying you know how to do something. Pouvoir. To be able to. Je peux. I can. Je peux. Vous pouvez. You can. Vous pouvez. Il peut. He can. Il peut. Nous pouvons. We can. Nous pouvons.